Alors, un jour, je demande à un ami, mais un gars qui est con, quoi. Non, mais je te raconte même pas, un con grave, je te jure. Alors, le gars, je lui demande, quelle est la différence entre une personne qui tombe du 20e étage et une personne qui tombe du premier étage? Alors, le gars me dit, la personne qui tombe du 20e étage, elle fait, et la personne qui tombe du premier étage, elle fait,